Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Déluge biblique. Coquille trouvée loin de la mer, Ovide, ce qu'on entend par diluvium, croyance universelle au déluge, comment s'exprime Plutarque, Lucien, Beroes et Nicolas de Damas, témoignage fourni par l'archéologie, une relation du déluge trouvé à Ninive, de Humboldt, peintures américaines. Si Moïse n'a rien dit de la période glaciaire, en revanche il s'est étendu assez longuement sur le déluge, par suite, ses récits ont été et sont encore l'objet des plus vives controverses. Il nous faut donc consacrer quelques développements à ce grand cataclysme. Des divers événements racontés par l'historien sacré, le déluge est celui qui s'est gravé le plus profondément dans la mémoire des hommes. Comment en eût-il été autrement? Il n'est peut-être pas un seul point de la surface du globe qui ne porte les traces du passage et du séjour des eaux. J'ai vu moi-même, s'écrit Ovide, j'ai vu des coquilles marines joncher le sol à de grandes distances de la mer. Or, ce ne sont pas seulement des coquilles isolées, ce sont d'énormes dépôts que l'on rencontre ainsi jusque sur les sommets les plus élevés. Note. Voltaire les avait vus de même, seulement la passion anti-religieuse l'aveuglait à tel point que ce n'était point pour lui l'épreuve d'inondation maritime. Et d'abord, à l'en croire, l'histoire du déluge n'était qu'une fable qui ne figure autre chose que la peine qu'on a éprouvée dans tous les temps à dessécher les terres que la négligence des hommes a laissé longtemps inondées. Quant aux dépôts coquillés qu'on rencontre sur les plus hautes montagnes, et il citait comme exemple les Alpes, il les expliquait par la foule innombrable de pèlerins qui partaient à pied de Saint-Jacques en Galice et de toutes les provinces pour aller à Rome par le Mont Cenis, chargés de coquilles à leur bonnet. Peut-on se moquer davantage et de ses lecteurs, et de la science, et du bon sens? Fin de la note. Ces coquilles prouvent donc bien réellement la submersion des continents par les eaux. On ne saurait toutefois en conclure que cette submersion se rattache toujours au déluge biblique, puisque d'autres causes encore, ne fût-ce que le soulèvement des montagnes, peuvent en expliquer la présence. Nous ferons la même réserve au sujet de la couche formée de gravier, de sable et de cailloux roulés, qu'on rencontre, sur presque tous les points de notre globe, entre les terrains tertiaires et les terrains quaternaires actuels. Les premiers observateurs crurent y reconnaître les traces du déluge de Noé et à cause de cela l'appelèrent diluvium. Les géologues modernes ont conservé ce nom, mais sans y attacher le même sens. Suivant eux, le diluvium n'est pas l'œuvre d'un cataclysme unique, c'est le fruit d'une longue série de révolutions, sans doute le déluge a pu y entrer pour une bonne part, mais il n'en a pas été le seul agent. C'est donc dans un autre ordre d'idées et de faits qu'il nous faut chercher nos preuves. Nous les demanderons à la croyance universelle. Nous savons déjà, par le parallèle que nous avons donné des récits de Moïse et d'Ovide, que la théogonie païenne, à l'époque où vivait ce dernier écrivain, admettait le déluge, tel que l'a décrit la Genèse. Si nous consultons l'histoire religieuse des autres peuples, nous retrouvons cette même communauté de croyances. Seulement, chaque peuple s'est approprié spécialement certains traits particuliers, et en a négligé certains autres, de telle sorte qu'en les réunissant tous on arrive facilement à recomposer le tableau primitif. Citons quelques exemples, d'après une version grecque, rapportée par Plutarque et Lucien, Deux galions auraient construit une arche ou un coffre dans lequel il se retira, prenant avec lui un couple de chaque espèce d'animaux, ainsi que sa femme et ses enfants. Plutarque ajoute que le retour d'une colombe vint lui annoncer que les eaux étaient retirées. Lucien dit, de son côté, qu'en commémoration de la colombe une cérémonie avait lieu, deux fois par an, dans une ville de Syrie, voisine de la mer, à laquelle accouraient tous les peuples d'au-delà de l'Euphrate. Là se trouvait un temple dont le sanctuaire renfermait trois statues, l'une de Jupiter, l'autre de Junon, et une troisième n'ayant d'autre symbole qu'une colombe d'or sur la tête, qu'on disait représentée de Calion. C'est cette statue qu'on portait en grande pompe, deux fois par an, sur les bords de la mer. Béroz et Nicolas de Damas, qui rapportent la même tradition relative à la colombe, disent de plus que l'arche s'arrêta sur la montagne des Cordians, montagne d'Ararat, en Arménie, et que ses débris s'y conservèrent longtemps. Au témoignage historique je pourrais joindre des preuves empruntées à l'archéologie. Note. Nul doute que la mythologie païenne ait emprunté également quelques-unes de ses divinités aux personnages bibliques. Ainsi Japet, fils d'Uranus, ne serait autre que Japhet, fils de Noé. De même, la double figure de Janus serait l'image de la double vie de Noé qui, seul, avait vu les deux montes que sépara le déluge. Telle serait l'explication d'une médaille qui intriguait Ovide, laquelle médaille avait cours dès la plus haute antiquité. Pourquoi, dit-il, représente-t-elle d'un côté un vaisseau, et de l'autre un double visage? Ce vaisseau serait l'arche, et ce visage double celui de Noé, de Calion. Fin de la note. Ainsi des médailles de bronze ont été trouvées dans la ville d'Apamée, en Phrygie, portant, sur un côté, la tête de différents empereurs tels que Sévère, Macrin et Philippe l'Ancien, et, sur le revers, une petite scène dont j'empruntais avec elle la description. On voit un coffre voguant sur les eaux, et dans lequel sont un homme et une femme qu'on aperçoit jusqu'à la ceinture, ils tiennent leur main droite élevée. Sur le couvercle du coffre est un oiseau, un autre oiseau, qui se balance dans l'air, tient entre ses pattes une branche d'olivier. Mais la découverte la plus importante est celle qu'a faite, en 1872, Monsieur George Smith, dans la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive, d'un livre formé de tablettes d'argile et écrit en caractère cunéiforme. Ce livre, d'une date antérieure à Moïse, renferme une description du déluge qu'on dirait emprunté à la Genèse. Seulement, autant le style de la Genèse est simple, autant celui du livre chaldéen abonde en images poétiques. Il est vrai qu'il est l'épisode d'un poème dont le héros appelé Isdubar paraît être Némrod. Enfin Monsieur de Humboldt a trouvé, chez les nations américaines, des peintures qui retracent l'histoire primitive de l'homme, conformément à l'Ancien Testament. Quant au déluge, il y est représenté ainsi qu'il suit Tespi, ou Cox-Cox, comme on appelle le Noé américain, est représenté dans un arche flottante sur les eaux, et avec lui sa femme et ses enfants, plusieurs animaux et différentes espèces de grains. Quand les eaux se retirèrent, Tespi envoya un vautour qui, trouvant à se nourrir sur les corps des animaux noyés, ne revint pas. Après que l'expérience, répétée sur plusieurs autres oiseaux, eut manqué, l'oiseau mouche revint à la fin, portant une branche verte à son bec. Ainsi le souvenir du déluge biblique, y compris les circonstances relatées par Moïse, avait pénétré jusqu'au milieu des populations américaines. C'est là une particularité fort curieuse qui ne témoigne pas seulement en faveur de la véracité des Écritures, mais qui prouve, de plus, ce grand fait que tous les hommes ont une origine commune. Le déluge prouvé par la tradition et les patriarches. De la tradition en Orient, pourquoi Moïse a été le mieux renseigné, comment lui sont parvenus ces renseignements, de la longévité des patriarches, prétendues années de 36 jours, opinion de Joseph sur cette longévité, autorité qu'il cite, une remarque de Buffon, conclusion. Je viens de dire que cette concordance d'opinion des peuples les plus divers sur un même fait s'explique par leur communauté d'origine. Si en effet ils sont tous issus d'un même père, tous ont dû puiser leur renseignement à une même source, la tradition. Or, la tradition est, en Orient surtout, la plus véridique comme la plus durable des annales. C'est au point qu'au dire de Platon, lorsque les sages de la Grèce allaient chercher la vérité dans les vieux temples de Saïs et de Memphis, les prêtres leur répondaient, « Ô Grecs, vous êtes des enfants, il n'y a point de vieillards dans la Grèce. Votre esprit toujours jeune n'a point été nourri des opinions anciennes, transmises par l'antique tradition, vous n'avez point de science blanchie par le temps. Confertime, selon. Si telle a dû être l'action puissante de la tradition, en tant que preuve des faits historiques, il est évident que celui-là sera le mieux renseigné qui aura été le plus voisin des événements. À ce point de vue, Moïse l'emporte sur tous les autres, comme étant le plus ancien historien connu. Il remonte à environ 3300 ans, tandis que Hérodote, le premier auteur profane dont il nous reste des ouvrages, lui est postérieur d'à peu près 1000 ans. Il y a bien Homère, mais Homère est un poète et non un historien, d'ailleurs, il n'a précédé notre âge que d'environ 2800 ans. Il vivait par conséquent au moins 500 ans après Moïse. Voici maintenant comment Moïse a pu être renseigné, non seulement sur le déluge, mais sur la création. Le premier homme raconta nécessairement à sa descendance les merveilles dont lui-même avait été témoin et celles qui avaient dû lui être révélées par Dieu. Il raconta, de plus, les divers événements qui amenèrent et suivirent sa chute. Ses fils et ses petits-fils, de leur côté, ajoutèrent à ces légendes celles qui leur étaient propres, telles que, par exemple, le déluge universel qui, sauf une famille, engloutit toute notre race. Quelques-unes même furent gravées sur la pierre, comme nous venons de le voir pour la bibliothèque de Ninive. C'est ainsi que se transmit jusqu'à Moïse la relation des événements qu'il a consignés dans la Genèse. On trouvera peut-être que l'espace qui sépare Moïse du déluge, et surtout de la création, était bien considérable pour la conservation des souvenirs. Mais, indépendamment des impressions vives que d'aussi grands événements avaient dû laisser dans les esprits, cet espace se trouve visiblement abrégé par la longévité des patriarches que l'on sait avoir atteint une moyenne de 900 ans. Cette longévité joue même ici un rôle tellement important qu'il m'est impossible de ne pas m'y arrêter quelques instants. La longévité des patriarches permet de renouer en quelque sorte la chaîne des temps et des hommes depuis Moïse jusqu'à Adam. Ainsi la nation juive, dont Moïse faisait partie, était la descendance directe d'Abraham. Or, du temps de Moïse, un homme pouvait avoir vu Joseph, petit-fils d'Abraham, qui lui-même avait vu Sem, lequel avait vu Mathusalem qui lui, à son tour, avait pu voir Adam. Il suffisait donc de l'avis de 3 ou 4 patriarches pour rapprocher les grandes distances aussi complètement que s'il se fût agi de périodes ou de vies ordinaires. Note. On sait que Moïse compte 10 générations de patriarches. Or, voici un témoignage fourni par un célèbre incrédule, Volney, qui confirme la parole de Moïse sur le nombre des générations antédiluviennes. L'historien Bérose, dit-il, qui vivait près de 3 siècles avant Jésus-Christ, décrit avec le plus de détails les circonstances du déluge de Xisuthrus, qui fut le 10e roi, comme Noé fut le 10e patriarche. Bérose, Abidem, d'accord avec Moïse, place 10, génération avant le déluge. Les Indiens remplissent les temps antérieurs au déluge par 10 avatars, qui répondent aux 10 rois et aux 10 patriarches antédiluviens. Saint Cognaton, de Phrygie, parle de 10 générations de dieux ou demi-dieux placés entre Uranus et la race présente des mortels. Les Arabes et les Tartares ont également conservé le souvenir de 10 générations et, de concert, quoique séparés par d'immenses distances, ils donnent à plusieurs des patriarches antédiluviens, aussi bien qu'à leurs successeurs immédiats, les mêmes noms qui sont dans la Genèse. Fin de la note. Je sais que cette longévité des patriarches est un des points les plus controversés de la Genèse. Aussi, du temps de saint Augustin, avait-on déjà essayé de réduire la durée de leur existence, en prétendant qu'à cette époque on appelait année, une période de 36 jours. Mais Moïse ne dit absolument rien qui donne à penser que le mot « année » eut une signification autre que celle qu'on admet généralement. D'ailleurs saint Augustin fait justement remarquer que Seth, ayant engendré à 105 ans et Caïnam à 70, si on appliquait à ces chiffres la réduction proposée, il s'ensuivrait que le premier serait devenu père à 10 ans et le second à 7. Mieux vaut donc renoncer à donner des explications que d'en donner de mauvaises. D'ailleurs, il nous manque les documents voulus pour arriver à une solution positive. Ainsi nous ignorons absolument quelles modifications l'ensevelissement entier du globe sous les eaux, pendant les 150 jours que dura le déluge, apporta aux qualités productives du sol et nutritives des végétaux, à la composition de l'air, à sa température, à son état électrique, en un mot, aux divers modificateurs de l'économie humaine. Par conséquent, nous ne pouvons conclure de ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé autrefois. Kurt Safet, à ce propos, la très judicieuse remarque que voici, la question de la possibilité d'une vie de 5, 6 et 900 ans dans les premiers temps du genre humain, n'est point du ressort de la physiologie actuelle. La seule règle d'après laquelle on puisse déterminer la durée de la vie, c'est l'expérience. Bornons-nous donc ici à enregistrer les faits. Voici comment s'exprime à cet égard l'historien Joseph. Tous ceux, dit-il, qui ont écrit l'histoire tant des Grecs que des autres nations, rendent témoignage de ce que je dis touchant la longévité des patriarches, car Manéthon, qui a écrit l'histoire des Égyptiens, Bérose, celle des Chaldéens, Mocus, Esticus et Hérome l'Égyptien, celle des Phrygiens, disent la même chose. Et Hésiode, Hécatée, Acusilas, Hélanique, Éphore et Nicolas, rapportent tous que ces hommes vivaient jusqu'à 1000 ans. Aux autorités citées par Joseph il faut joindre encore celles de Varron, de Pline, de Valère Maxime, enfin, les mêmes traditions ont été trouvées aux Indes et dans le Nouveau Monde. Buffon fait à cette occasion une remarque qui, ne fut-elle qu'ingénieuse, mérite néanmoins d'être cité, c'est que la durée de la vie humaine est d'environ 7 fois l'âge de la puberté. Or cette même proportion se trouve exister dans la vie des patriarches antédiluviens. Adam, dit la Bible, ayant vécu 130 ans, engendra un fils, et tout le temps de la vie d'Adam ayant été de 930 ans, il mourut. Si cette proportion ne se rencontre pas aussi exactement pour les 9 autres patriarches, elle se retrouve cependant dans le terme moyen de leur vie et de leur puberté. Ce sont donc les patriarches qui ont été en quelque sorte les premiers interprètes de notre histoire. Puis la tradition s'est emparée de cette histoire, accrue des faits qui l'ont suivie, pour la transmettre et la perpétuer à travers les âges jusqu'à notre époque. Note. On trouve quelquefois, maintenant encore, des exemples suffisamment constatés de personnes qui ont dépassé de beaucoup l'âge ordinaire. Richard cite un grand nombre de faits de ce genre. Tel est, entre autres, celui de Thomas Parr, qui avait 152 ans quand il fut présenté au roi Charles Ier. Un autre avait atteint 200 ans. Je doute cependant qu'à cette époque-là les registres de l'état civil fussent aussi bien en règle que dans nos mairies. Nous aurons du reste l'occasion de revenir sur ce sujet en parlant de l'antiquité de l'homme. Objection contre le déluge. Trois objections principales. La première porte sur le peu de capacité de l'arche. La seconde sur l'insuffisance des eaux pour inonder la totalité du globe, la troisième sur la conservation impossible des poissons d'eau douce. Réponse à 16 objections, sens exact du mot totalité du globe, le déluge fut partiel, il n'envahit que les pays habités par l'homme, ainsi tombent toutes les objections, un exemple à l'appui. Le déluge eut pour cause la corruption des hommes et pour but leur châtiment, double fait qu'il ne faut pas perdre de vue, car il va nous servir à mieux comprendre le texte de la Genèse, et, par suite, à mettre à néant les objections dirigées contre la version de Moïse. Ces objections peuvent être ramenées aux trois suivantes. D'abord on nie que l'arche, quelles qu'aient été ses dimensions, et pu contenir la totalité des espèces animales. Maintenant surtout que la découverte du Nouveau Monde et de l'Australie en a si prodigieusement révélé le nombre. D'ailleurs, comment Noé aurait-il pu rassembler en un même lieu des animaux séparés de lui par l'immensité des océans, et comment ces mêmes animaux auraient-ils pu regagner leurs îles? Ensuite on déclare qu'il est physiquement impossible que l'abondance des pluies et le soulèvement des flots aient suffi pour causer la submersion simultanée des deux hémisphères, au point surtout de dépasser de 15 coudées, comme le veut la Bible, les sommets des plus hautes montagnes. Enfin, objectons encore, l'ensevelissement de la terre sous les eaux ayant amené nécessairement le mélange des eaux pluviales avec les eaux de l'océan, la prédominance énorme de celle-ci dut faire qu'il n'y ait plus eu qu'une énorme nappe d'eau salée. Or, comme les poissons d'eau douce ne peuvent vivre que dans les fleuves et les rivières, leur espèce eût été anéantie d'autant plus sûrement que Noé n'avait pris aucune mesure pour leur conservation dans l'arche. Telles sont les principales objections dirigées contre le déluge biblique. Eh bien, je le déclare très franchement. S'il fallait, à l'exemple des anciens commentateurs, admettre que les eaux envahirent la totalité du globe, il me paraîtrait bien difficile d'y répondre. Mais, est-ce bien là la pensée de Moïse? Cherchons à en préciser le sens. Dieu se proposa de châtier les hommes, et il avait décidé qu'à part une famille, tous périraient. Or, au moment où la terre fut envahie par les eaux, il s'en fallait de beaucoup que sa surface fût en totalité habitée par l'homme, Il y avait même des continents tout entiers où il n'avait jamais pénétré. Pourquoi donc l'inondation se fut-elle étendue jusque-là? Elle n'y eut rencontré que des animaux qui nécessairement étaient hors de cause. Le mot « universalité » du déluge doit donc être pris ici dans un sens plus restreint et ne s'appliquer qu'au pays qui se trouvait être la résidence de l'homme. Je sais bien que Moïse parle de tous les animaux, mais c'est absolument comme quand il parle de toutes les montagnes dont les eaux dépassaient la cime. Évidemment, il ne désigne que les animaux et les montagnes que connaissait l'homme. Remarquez qu'en attribuant ainsi au mot « tous », un sens restreint, je ne fais que lui appliquer la signification qu'il a dans beaucoup d'autres endroits de la Bible. Ainsi, par exemple, quand Moïse dit, en parlant de la famine qui eut lieu du temps de Jacob, « et la famine fut dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. » Genèse 41, 54. Nul doute que ces passages ne doivent pas s'entendre du monde entier, mais seulement des peuples connus des Hébreux. J'ajouterai que cette opinion d'un déluge partiel est parfaitement d'accord avec les données géologiques. Ainsi, l'exploration du sol, dans les contrées les plus diverses, a démontré qu'aucune inondation n'avait jamais recouvert le globe dans l'universalité de sa surface. Par contre, l'Asie, c'est-à-dire la région qui fut le berceau de l'humanité et où Moïse place le centre du déluge, offre tous les vestiges d'une invasion des eaux correspondant à ses récits. C'est ce déluge qu'en géologie on appelle le déluge biblique. Si j'insiste sur cette distinction d'un déluge partiel et d'un déluge général, c'est que, devant un déluge partiel, toutes les objections citées plus haut tombent ou se réfutent d'elles-mêmes. Ainsi, pour la première, il ne pourra plus être question du trop peu de capacité de l'arche, puisque Noé n'y a introduit que les animaux qui étaient à sa connaissance, par conséquent à sa portée. De même, on ne saurait se préoccuper de la manière dont certaines espèces auront regagné leur île, puisqu'elle n'avait pas dû la quitter. On cessera également, pour la seconde, d'invoquer l'insuffisance des eaux pour noyer tout l'univers, puisqu'une partie seulement aura été submergée. Or, ce qui se passe en petit sous nos yeux à la suite de certains orages nous donne parfaitement l'idée de ce qui a dû se passer en grand du temps du déluge. Enfin, quant à ce qui est de la troisième, il ne sera plus permis de s'apitoyer sur le sort des poissons d'eau douce asphyxiés par l'eau de mer, puisqu'ils auront trouvé dans les rivières et les fleuves épargnés par l'inondation toutes les commodités de l'existence. Et qu'on ne voit pas dans cette substitution d'un déluge partiel à un déluge général une sorte d'expédient ou d'échappatoire imaginé pour les besoins de la cause. Nullement. Je ne fais qu'appliquer ici à Moïse les procédés en usage dans la science pour l'interprétation des phénomènes. Combien de temps, par exemple, n'a-t-on pas admis et enseigné que l'ascension de l'eau dans un tube, par le fait de l'aspiration, était due à ce que la nature a horreur du vide? Or, il ne fallut rien moins que l'aventure arrivée aux fontaniers de Florence, lesquels virent l'eau ne pas monter au-delà de 32 pieds, pour mettre sur la voie de l'explication véritable. Note. Et encore, cette explication ne fut donnée que beaucoup plus tard par Pascal, dans sa fameuse expérience du Puy de Dôme. Galilée, à qui les fontainiers vinrent raconter le fait, s'était contenté de leur dire que, probablement, la nature n'avait horreur du vide que jusqu'à 32 pieds. Si cette réponse les satisfit, il faut avouer qu'il n'était pas difficile. Fin de la note. tout le monde sait aujourd'hui que cette ascension est due à la pesanteur de l'air. Ainsi pour le déluge. On avait admis et enseigné de même, plutôt par habitude que par raisonnement, qu'il avait submergé la totalité des continents, puis, la critique et la géologie aidant, on a restreint l'invasion des eaux à la partie du globe habitée par l'homme. Quant aux moyens physiques que Dieu employa pour inonder le globe, il ne nous les a pas révélés entièrement. Nous savons seulement par la Genèse que la pluie fut un des principaux agents mis en œuvre. Nous devons admettre de plus qu'il fit déborder les mers et jaillir d'abondantes sources des puits de l'abîme. Mais il règne encore sur ces divers points de nombreux mystères, qui ne portent, il est vrai, que sur les détails et non sur l'authenticité du fait. C'est au déluge que s'arrête le récit de Moïse, c'est là, par suite, que nous devrions nous arrêter nous-mêmes, puisque c'est ce récit qui a été notre principal objectif. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.